Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fat Jack, 14.2 pour l'émission Call Duby Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Et aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission Reggae, où je vais présenter des artistes fabuleux, fantastiques, comme d'habitude. Et je pense que cette émission va vous plaire, car elle va avoir des artistes, mais juste très très particuliers, mais qui sont juste géniaux. Allez, on va commencer tout de suite, tout simplement, c'est parti. Allez, notre premier artiste est Chaton. Il me semble que je vous l'avais déjà passé pour une chanson, mais je sais plus trop laquelle. Mais là, je vais vous le repasser du coup pour Jérusalem, donc une reprise de Alpha Blondie, qu'il a repris à sa manière forcément. C'est Chaton, c'est quelqu'un qui de base écrivait pour les autres, mais qui a aussi fait certains textes et certaines reprises, dont la reprise Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui a un style très particulier car il a beaucoup de tendances reggae et en plus de ça, qui utilise, mais alors vraiment très très bien, l'autotune. Ouais, l'autotune, il y en a à fond. Mais alors, il l'utilise tellement bien que c'est un peu comme PNL pour ceux qui connaissent. Vous savez, il y a beaucoup d'autotune, mais ça passe tout seul parce que c'est super bien utilisé. Bah lui, c'est pareil, beaucoup d'autotune, mais c'est tellement bien fait que ça passe crème tout simplement. Donc c'est tout de suite Chaton, Jérusalem, let's go. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Baruch atah Yerushalayim. Je t'aime, je t'aime. Bien voilà mes rastas, c'était Chaton, Jérusalem. Allez, notre deuxième artiste est un artiste que j'ai découvert, ou du moins qu'on m'a fait découvrir cet après-midi. Et oui, je prépare mon émission tranquillou, quand tout d'un coup, on vient me voir et me dire « Kenny, on a quelque chose pour toi ». Je fais « Oh bah c'est très sympathique, dis-moi tout ». Et là, on m'a donné alors un CD d'un artiste que je ne connaissais pas du tout, qui est LT Stichy. Voilà, autant vous dire que je ne connaissais pas du tout et je pense pas que vous connaissiez non plus. Mais peut-être que certains si, mais moi en tout cas je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Du coup j'ai eu l'occasion forcément de l'écouter cet après-midi. Et je peux vous dire que c'est un style très particulier, vu que je ne connaissais pas l'artiste, j'ai été faire des recherches sur lui. Et j'ai découvert des choses, mais alors fabuleuses. Comme par exemple que ce merveilleux monsieur a une très belle barbe d'ailleurs, hein, vraiment une très belle barbe taillée. Et du coup, il est jamaïcain, il a 54 ans et c'est un chanteur gospel. Ouais, sauf qu'il ne fait pas que du gospel, il fait aussi de la dancehall et du reggae. Sur des instrus plutôt hard, hein. Elle balance bien, quoi. Il y a certains sons, les instrus, elles balancent, quoi. Carrément, en passant en soirée, je pense que ça peut vite partir en cacahuète, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, j'ai vraiment apprécié. Du coup, je vais vous faire partager une des... Je pense que de l'album, c'est ma chanson préférée, je pense, ouais. Vraiment, je pense que c'est celle que je préfère. Du coup, bah, j'ai pris celle-là. C'est Angels Surround Me. Oui, j'ai pas un très bon accent anglais et je m'en excuse. Mais je fais de mon mieux. Hein. I don't speak English very well, but I try. Ok ? On n'est pas passé une semaine, allons-nous ? Attends, qu'est-ce que tu crois ? Bref, sur ce, LT Stichy, c'est tout de suite sur Fat Jet. Would I like to yawn in them a fill me young one? Cause the angel of the Lord them surround me. So all the talk them a talk and all the weapon them a farm. The angel of the Lord them surround me. Hey! Them a look for me one, them convince me that's alone. But the Father don't protect me with the angels before me leave me alone. So if you think say you are stupid, fly out of your zone. Me have the hotel ready as the French fire your bone. Your feather would have took and all your wing them would have fly. Me day upon a sign and given by the most high. Stitchy day upon a mission and me focus on division. Eh bien voilà, Merasta, c'était LT Stichy. Je pense même qu'on dit LT Stichy, du coup. Enfin, je sais pas, franchement, je sais pas du tout comment ça se prononce. Mais dans tous les cas, bah, moi, je l'aime plutôt bien, cette chanson. Puis même l'artiste, je le trouve plutôt cool. Enfin, je le connais pas personnellement, mais du moins, ce qu'il chante, j'aime bien, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. Bon, c'est dimanche soir, hein, les explications sont compliquées. Bref, notre troisième artiste est un artiste que j'étais même pas au courant qu'il faisait du reggae, genre. Ouais, le gars est vachement au courant de ce qui se passe. Mais en même temps, c'est pas trop mon époque, je pense. C'est Alain Souchon. Et j'ai découvert la chanson, enfin, je la connaissais depuis quelques temps maintenant, mais je l'avais pas trop écoutée, quoi. Clairement, c'est pas trop mon style de musique. Mais alors, pourtant, celle-là, c'est Le Baiser. Donc, je pense que ça a parlé à tout le monde. Hein. Enfin, je pense, du moins, j'espère. Et en fait, bah, j'ai remarqué qu'il y avait quand même vachement des bases reggae dedans, en fait. Par le piano. Les percussions, si, ça fait très reggae. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, soyons fous, mettons Alain Souchon, Le Baiser, dans l'émission. Soyons fous. Alors, c'est tout de suite Alain Souchon, Le Baiser. Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser, marchant dans la brume. Le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malobré d'une, la mer du Nord en hiver, sortait ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique. Des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés, fermés. Jugez ma fortune, sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde, j'ai des lacunes. En blonde, j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tourner le vent, la dune à l'envers. Tourner le ciel et tourner la terre. Tourner, tourner, le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale. De flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Toi qui as mis sur ma langue ta langue amie, et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ ce moment délicieux hasard, Adamo M. Sissola, oh tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique envoyait mélancolique ses flonflons à la française, de fancifère à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien. Ce passage-là était vraiment bien, ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine alanguie, sur la digue un petit point parti, dans l'audit de son mari. Oh, son mari. Je chante un baiser, je chante un baiser osé. Et bien voilà, Merasta, c'était Alain Souchon, Le Baiser. J'espère que vous n'êtes pas en train de dormir, hein, clairement, parce que c'est vrai que c'est plutôt posé hein, comme son. Donc, c'est vrai que le dimanche soir, voilà, quand on est très fatigué, un son comme ça, généralement, ça nous donne l'envie de dormir. Mais bon, j'espère que vous êtes encore là en train de m'écouter, hein, en train d'écouter toutes mes bêtises. Mais surtout, bah, des bons sons, hein, comme par exemple Kassav. Je vais pas vous mentir, je ne connaissais pas du tout. Non, je ne connaissais pas. Je ne connais pas tout. Hein. Je suis pas non plus le roi du reggae quand même. Hein. Bah, bien sûr que non, enfin, bande de fifous. Va. Mais du coup, bah, on m'a fait connaître Kassav. Et la chanson Zouké. Ouais, je connaissais pas du tout. Ouais, je connaissais pas du tout. Et du coup, je vais vous la passer, ouais. Parce que moi, j'ai plutôt kiffé. Du coup, je me dis, bah, vous avez certainement kiffé. Ou du moins. Bah re-kiffer parce que je pense que vous connaissez vous, mais moi je connaissais pas. Non, je ne connaissais pas du tout. Non, non, non, non, non. Du coup, c'est tout de suite Zouké. Moi, je travaille toute la semaine. Chaje, problem draka tou le jou Mi jodi rive, chali ve pase le jla ban mwen Sou li an mwen jasive, pou mwen ale Zouke, zouke, zouke Bien voilà, Merasta, c'était Zouké. Ah là là, Zouké, Zouké, Zouké. Ah là, quel refrain, hein. Ah, c'est le plus simple, hein. Zouké, Zouké, Zouké. Voilà. Ah, non, le gars ne s'est pas embêté. Ah, autant vous dire que non. Ah, il s'est pas fait chier. Bref, notre prochain artiste, bah, c'est un duo. un duo que je pensais pas du tout, genre. Enfin, je pensais pas que ça allait se faire, vous voyez. Et pourtant, bah, ça donne un truc de fou. C'est Tiken Jah Fakoly, donc j'ai déjà passé dans l'émission. Avec, franchement, le frérot, dans le sud, nous, surtout à Marseille, c'est le roi, c'est le best. Non, c'est pas Jul, mais c'est Soprano. Tout le monde écoute Soprano à Marseille. Ouais. Soprano, c'est un peu le boss pour nous. Ouais, c'est le boss, c'est tout. Du coup, Tiken Jah Fakoly. Ah bah bien sûr, génial, et c'est dimanche soir. C'est souvent dimanche soir d'ailleurs chez moi. C'est Tiken Jah Fakoly. Voilà, bien joué Kenny. Feat Soprano, et le titre c'est Le monde est chaud. C'est parti. Le calcul politique, je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leur plus grosse recette. Y'a le sang d'innocents sur les mains de leurs boulettes. Et ça depuis des siècles. Mais il est temps de leur dire stop. Il est temps qu'ils assument leur faute. Je vois la chute en suivant leur sort. Leur priorité c'est leur confort. Voilà pourquoi le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Je suis à bout de souffle. Je vois les fleuves faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre. C'est foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête. C'est leur paradis fiscal. Et le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Bien voilà, Mère Asta, c'était Soprano avec Tiken Jah Fakoly, Le monde est chaud. Oh là, je suis fan de cette chanson, c'est une dinguerie. Allez, notre prochain artiste, c'est Jamana. Et il va chanter Si peu de morale. Eh bah, tu m'étonnes, le dimanche soir, le moral, il est pas là, quoi. Tu sais que le lendemain, c'est lundi, le moral, il peut pas être là. Ah non, non, non, non, non. Mais bon, on fait avec, allez. Si peu de morale, c'est parti. Voilà mes Rasta, c'était Jamana, si peu de morale. Allez, notre dernière chanson est Les mains en l'air, c'est Admiralty feat. Diams. Ah ouais, Diams. Oh là là, dès que tu dis Diams, tu sais déjà que c'est... ça date pas d'hier. Ah non. Ah ça fait mal, ça fait mal. Pourtant, Diams passe un peu la basse quoi. Ah c'est la basse, c'est la basse. Elle a eu des textes un peu cucu, genre jeune demoiselle, DJ, on connaît, c'est un peu cucu. Mais c'était bien. Mais par contre, elle a quand même fait des textes juste merveilleux. Et là, c'est Les mains en l'air avec Admiralty. Et vous allez voir, j'adore. Laissez-moi voir les meilleurs. C'est pour toutes les banlieues et pour toutes les provinces. Laissez-moi voir.